poursuit sa quête du grand amour, même s'il vit de plus en plus mal son imposture à mesure que Lucie approche.